comme une chaîne d'écran. J'ai qui se fait tard, je capture ça avec un bon quotas. Je te prends en flagrant délai. T'es manière sur le TV. Je suis pas ton pote, je me suis fait tout seul, donc fuck un boss. J'ai capté vos fréquences, vos vieux mots de merde. J'écoute les vrais que je fréquente, bitch, comme ça c'est clair. Fuck un prof, fuck une dot, fuck une dette. Fuck la France, c'est sûr que je me casse au stage. L'osant que des victoires, c'est zéro défaite. C'est vrai que t'es bonne, et ma bitch était refaite. Elle était refaite. On a grillé vos bullshit, donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? On a grillé vos bullshit, donc à quoi ça sert? Tu dois. Et en tous les jours, tu veux notre juice. T'as du caca, SO, guapo, meilleur gousse. Et toi, Gus, t'es tout petit quand je suis tout prêt. On a sorti meilleur combo, t'es pas prêt. Et en tous les jours, tu veux notre juice. T'as du caca, SO, guapo, meilleur gousse. Et toi, Gus, t'es tout petit quand je suis tout prêt. On a sorti meilleur combo, t'es pas prêt. Équipe type comme Rolla sur la prod. La main sur la tôle, je déclenche des atomes. La putasse on veut encore, on aime pas Aster. On veut baiser cette année, je suis comme Adelstan. Haute pêche, elle a un joli teint, je veux pas qu'elle se tire. Et un paquet de pifs sur son boule, un paquet de chiffres. Beaucoup de chiffres molles dans ce game. Wow, Lyonzon, Lyonzon, voilà pour la fame. Wow.